3:10 activation. Pronunciation of il, elle. Now listen and repeat. Be sure to reproduce the difference between the vowels of il and elle. Elle va bien. Il va bien. Elle écoute. Il écoute.